Dès hier, l'Église a réagi avec beaucoup d'émotion par la voix de Mgr Lustiger. Aujourd'hui, c'est Mgr Tricard, le numéro 2 de l'Église catholique, qui s'est rendu symboliquement cet après-midi à la mosquée de Paris. Une manière évidente de montrer l'union des religions contre la barbarie, un refus aussi de l'amalgame possible entre le GIA et les 5 millions de musulmans qui vivent en France. 5 millions de musulmans qui vivent en France. Dans l'actualité de ce vendredi, on retiendra cette première étape permettant la fédération des différentes sensibilités de l'islam en France. Le parcours a été long et difficile. Nicolas Sarkozy n'a pas ménagé sa peine. Et après 2 jours de réunion à huis clos, un accord est intervenu pour créer une instance représentative du culte musulman, deuxième religion de France avec 5 millions de croyants. 5 millions de croyants. 5 millions de croyants. Ces images de fidèles priant dans les rues ne sont pas une généralité, mais le manque de place est réel. Aujourd'hui, la France compte 5 à 6 millions de musulmans. 5 à 6 millions de musulmans. 5 à 6 millions de musulmans. D'abord, combien sont-ils? Combien sont-ils? Quel chiffre donnez-vous? On trouve 6,5% de la population des plus de 15 ans en métropole. Ça fait donc combien? Ça fait environ 4 millions de personnes. 4 millions. Avec les enfants, ça fait quoi? Ça fait 5. Avec les enfants, 4 millions. Avec les enfants, 4 millions. 4 millions de musulmans en France. Moins que les 6 millions dont certains parlent. Dont certains parlent. Dont certains parlent. Oh oh, les bougnoules. Oh oui, les bougnoules.